France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Alors que, fraîchement sorti de l'IDEC, il venait de tourner « Le monde du silence » avec Jacques-Yves Cousteau, Louis Malle avait à peine 25 ans quand il réalisa « Ascenseur pour l'échafaud », son premier long-métrage. Il n'avait que 30 ans quand il tournait déjà son cinquième film, sorti en 1963, « Le feu follet » d'après le roman de Drieu-La Rochelle. Quelques années plus tard, Michel Pollack l'invitait à présenter et commenter le scénario et le découpage du feu follet dans « Histoire sans images ». Aux côtés du réalisateur, on retrouvait l'interprète du rôle principal, Maurice René, qui y rejouait pour l'occasion quelques-unes des séquences de ce film, considéré par beaucoup comme le meilleur de Louis Malle. Histoire sans images. Une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, Le feu follet de Louis Malle avec le concours de Maurice René. Louis Malle, il est de tradition dans cette émission depuis qu'elle a commencé, c'est-à-dire depuis fort peu de temps, de présenter tout de même le réalisateur avant de présenter le film, et aujourd'hui ce sera Le feu follet. Je crois que vous avez 33 ans. 33 ans, oui. Oui, tout à l'heure j'en disais 35 parce que je cherchais à vous rapprocher de moi, comme ça je ne pourrais pas vous sentir. Vous êtes très jeune finalement. Ben oui, mais. On dit ça toujours des gens, mais y en a, dit, après ils ne le sont ça, plus. On m'a dit ça pendant 20 ans, mais ça commence à se tasser. C'est-à-dire qu'on me l'a dit de moins en moins. Non, moi j'étais à peu près. Enfin, jusqu'à 25 ans, j'ai toujours été le plus jeune partout. Ce qui était une chose finalement pas très exaltante, quoi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis finalement, j'ai fait l'ascenseur pour l'échafaud. J'étais le plus jeune metteur en scène français. J'avais 24 ans. Enfin, j'ai eu 25 ans pendant le tournage. Et puis après, bon, ben voilà, les choses se sont... Enfin, j'ai 33 ans maintenant. Et vous avez commencé très traditionnellement en rentrant à l'IDEC, je crois. Oui, c'était pas tellement traditionnel à l'époque parce que, au fond, l'IDEC était très décriée et l'école avait fermé pendant un an. Et je me suis trouvé dans une promotion qui, vous savez, est une. On dit beaucoup de mal de l'IDEC, mais dans ma promotion, il y avait des gens très bien. Il y avait Alain Cavalier, il y avait Michel Mitrani, il y avait. Enfin, j'en oublie. Des gens que vous connaissez pas parce qu'ils n'ont pas encore fait leur film et qui feront leur film. Mais il y avait beaucoup de gens de talent. Et surtout, finalement, qui ont appris leur métier. Qui ont appris leur métier, j'irai pas jusque-là, mais enfin, en tout cas, je sais pas, pendant 2 ans, on a parlé de cinéma, on a vu des films, c'était déjà une très bonne chose. Et puis ensuite, évidemment, il a fallu que j'apprenne mon métier, moi, en tout cas. Et j'ai eu la chance de passer 3 ans dans l'organisation du commandant Cousteau, où j'ai fait énormément de pellicules, enfin, de toutes sortes, du 16, du 35. Et j'ai fait beaucoup de montage, beaucoup de prises de vue. Et quand je suis sorti de là, j'ai eu la chance de ne pas faire mon service militaire, mais ça a été une sorte de service militaire cinématographique sous-marin, et dans des conditions plus amusantes, évidemment, que sans doute le service militaire peut-être. Quand je suis sorti de là, je sais pas, j'avais l'impression, là, de, sur le plan pratique, de savoir mon métier. Et vous avez commencé votre premier long métrage sans avoir fait de court métrage avant. Vous aviez simplement fait des courts métrages. J'ai fait des courts métrages pour Cousteau, des courts métrages tout à fait inconnus, tout à fait anonymes, mais j'en ai fait plein. J'en ai fait 7 ou 8. Et puis là-dessus, j'ai essayé d'être assistant, j'ai essayé d'être scénariste, mais en fait, ça s'arrangeait pas tellement bien. J'ai travaillé avec Bresson pendant quelques semaines, pendant assez longtemps en fait, pendant toute la préparation du Condamné à mort s'est échappé. Et puis, je sais pas, ça m'amusait pas tellement d'être assistant. Et j'avais eu tellement de responsabilités, tellement de liberté chez Cousteau que Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille carrément, quoi. C'est-à-dire que je saute le pas et que je fasse le plus rapidement possible mon premier film. Quand j'y repense maintenant, j'ai le sentiment que j'ai eu tort. C'est-à-dire que j'aurais dû attendre. En vieillissant, là, je pense à la vie exemplaire de ce romancier anglais, Joseph Conrad, qui a fait du bateau, enfin, qui était dans la marine marchande, sur toutes les mers du monde, aussi, partout. Pendant 20 ans de sa vie, il a fini capitaine. Il s'est retiré, il a pris sa retraite normalement à 40 ans. Et ensuite, pendant les 20 ans suivantes, il a raconté les 20 années de navigation. Je trouve ça admirable. Je trouve que l'ennui de nous tous, c'est que finalement, on n'a jamais fait que du cinéma. C'est un petit peu dommage. Et une fois qu'on a commencé à faire du cinéma, on ne peut plus repartir naviguer en liberté. On peut, si, mais c'est vraiment difficile, quoi. On est pris dans un engrenage terrible. Moi, je vois, en ce qui me concerne, si vous voulez, quand on s'imagine que, je sais pas, c'est pas parce qu'on va faire un film au Mexique que le Mexique vous apporte quelque chose, c'est pas vrai. Il se trouve que le Mexique, je le connaissais, mais je veux dire, pendant tout le tournage du film que j'ai fait là-bas, le Viva Maria, j'étais absolument comme si j'étais à Billancourt, finalement, ou à Saint-Maurice. Enfin, c'est un univers clos, le cinéma. Et c'est pour ça qu'on finit par faire des films sur le cinéma, parce que on finit par... Votre cerveau travaille en circuit fermé. Je crois que c'est très, très dangereux. Ça explique l'usure, je dirais, l'usure prématurée de beaucoup de metteurs en scène de ma génération. Il y a, ce n'est peut-être pas une usure, mais il y a tout de même, il y aurait un besoin de se renouveler, alors que l'on voit ces vieux vétérans d'Hollywood, là, les John Ford, les Walsh et les Howard Hawks, ils continuent de tourner imperturbablement. On a l'impression qu'ils ont eu une expérience héroïque à la belle époque du cinéma et qu'ils continuent sur leur lancée, qu'ils sont increvables. Enfin, alors que vous êtes rentré dans le cinéma à un âge où il devenait classique. Oui, à la fois où il devenait classique et en même temps où il explosait, en fait. C'est-à-dire, péniblement, nos aînés avaient fini par se fabriquer une grammaire, une certaine façon de se servir du cinéma, qui était bien propre, bien léché. Et puis, des cinéastes sont arrivés, ont fait tout exploser, ce qui a créé, évidemment, une certaine confusion dans notre métier, et ce qui est, je crois, très intéressant. Enfin, mais on ne s'en est pas encore tout à fait remis, enfin, on est encore dans ce soubresaut, je crois. Je crois qu'on cherche actuellement une sorte de néoclassicisme. Enfin, moi, je suis certainement un des cinéastes les plus classiques de ma génération, sûrement, mais on ne peut pas dire que le cinéma que nous faisons soit le même que ce que faisaient nos aînés. Ça, de toute façon, je ne crois pas. Enfin, il y a une approche complètement différente. Mais pour en venir à cette notion de vacances et de vie vécue, est-ce que vous imagineriez d'arrêter pendant un temps de faire film sur film, car en ce moment vous tournez beaucoup, et de partir 2 ans au vert dans un coin où on ne connaîtrait pas Louis Malle, cinéaste, pour refaire le plein comme ça? Je l'ai fait, ça. J'ai arrêté pendant un an. Enfin, j'ai arrêté sans arrêter, c'est-à-dire que j'ai fait des films, des films qui ne sont pas sortis, ou des films qui sont finalement sortis sous forme de court-métrage, ou des choses. En 62, j'ai passé toute l'année à essayer de m'interroger comme ça sur les possibilités de s'échapper, et je me suis aperçu que il était très très difficile de sortir de soi-même. Enfin, c'est-à-dire, de toute façon, le voyage est une échappatoire absurde. Enfin, je ne crois pas du tout au voyage. Je crois qu'il faudrait pouvoir organiser sa vie, ce qui est très très difficile dans notre métier, qui est un métier sporadique, c'est-à-dire on travaille par secousses. Mais finalement, les secousses se succèdent pratiquement sans arrêt. C'est un métier vraiment épouvantable pour les nerfs. Il faudrait arriver à s'organiser. Enfin, il faudrait vraiment avoir une espèce de maîtrise de soi fantastique. Qui me paraît... J'ai l'impression qu'on se vide vraiment, on se décharge. Sûrement. Mais enfin, c'est peut-être bien comme ça. C'est peut-être comme ça que ça doit être, je sais pas. Pour en revenir à votre... carrière, avant de présenter Le Feu Follet, car ce que nous venons de dire là, nous sommes un peu rentrés déjà dans Le Feu Follet, c'était presque un personnage aux prises avec la société qu'on vient de décrire. Je pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, qui aurait pu vous faire tourner Le Feu Follet. Oui, on est exactement dans le sujet, c'est-à-dire que, justement, si vous voulez, je me suis mis au Feu Follet à la fin de cette année 62, où j'avais eu un espèce de passage à vide. C'est l'année où j'ai eu 30 ans, qui est tout de même un tournant dans la vie d'un homme, je crois. Et j'avais donc décidé de ne pas faire le film, et j'avais même envie de ne pas faire le film pendant assez longtemps. Et puis je me suis senti tout d'un coup très, très vide, très, très absent du monde. Et j'ai commencé à travailler sur un scénario où j'avais envie de raconter des histoires tout à fait personnelles. Et ça n'est pas très bien venu. J'étais mal à l'aise, je sais pas, c'est une question de pudeur ou de... sans doute le manque de recul aussi. Peut-être je parlais de choses qui étaient trop proches. Et puis c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je suis tombé sur ce livre que j'avais déjà lu et que j'ai relu avec des yeux différents parce que j'avais vieilli, parce que j'étais sans doute dans une période de crise et que tout ce que le livre contient m'avait touché beaucoup plus. La première fois, j'avais dû le lire d'une façon impartiale. La deuxième fois, je l'ai lu très... avec beaucoup d'émotion, il me semble. Et puis, d'un seul coup, là, très, très brusquement, j'ai décidé de le tourner. Et je crois pas avoir jamais été aussi vite dans le travail d'adaptation. Parce que tout le travail, je l'ai fait tout seul d'abord, ce qui m'est jamais arrivé. Et je l'ai fait en un mois, tout compris. En essayant de rester le plus près possible du livre. Le seul problème que nous avons eu à résoudre... je dis nous parce que c'était pas seulement moi, c'était aussi bien au niveau de l'interprétation, mais même techniquement, je dirais, c'était la transposition à l'époque moderne. Quand j'y repense maintenant, peut-être il aurait fallu le faire d'époque, je ne sais pas. Ça, c'était très difficile parce que cette époque-là, au fond, n'était pas intéressante pour nous. Elle n'était pas assez marquée. Elle était à la fois trop près de nous, trop loin de nous. J'ai peut-être manqué de courage, hein. Il aurait peut-être fallu reconstituer cette époque 1930. C'est-à-dire que cette époque nous devient émouvante maintenant. Je pense que d'année en année, tout d'un coup... Oui. Je sais pas, il m'a semblé que c'était inutile et que ça dérouterait inutilement les gens et que ça leur donnerait la position. Le spectateur, il se sentirait plus confortable en se disant « on me parle d'un personnage historique enfin. ». Et que pour le concerner davantage, il valait mieux que ça se passe de nos jours. Mais d'un autre côté, c'était pas tout à fait un personnage de nos jours. Et je reconnais que dans le film, je l'ai revu là récemment, et c'est ce qui, peut-être pour moi en tout cas, c'est ce qui en fait le prix. C'est une toute petite différence avec la réalité. Il y a une toute petite distance qui vient justement de ce que ce livre a été écrit par Drieu La Rochelle à une époque. Qui est loin de nous maintenant, il y a 30 ans, et à propos d'un personnage qui était tout à fait dans son époque. Alors, ça rend le film peut-être encore plus étrange, plus loin de nous, plus ouaté, je sais pas, plus... Je sais pas, ça, vraiment, je sais pas dire si ça a été un bien ou un mal. C'est-à-dire que, d'un autre côté, vous auriez été gêné par les souvenirs à ce moment-là de Rigaud et de tous ces jeunes gens perdus de l'après-l'autre guerre qui... sont à l'origine de tout le mouvement surréaliste. Enfin, il ne faut pas oublier que... Vous voyez, moi, je l'ai fait vraiment parce que j'avais envie, d'une certaine façon, de parler de moi, c'est-à-dire de parler de nous, enfin, de parler de gens de ma génération. Et ça m'embêtait un petit peu de tomber dans le piège de la reconstitution historique, et justement, parce que ce qui est très intéressant dans le film, je dirais, c'est que tout s'est passé par étages, comme les étages, je sais pas, d'une fusée. Enfin, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait un personnage, le personnage de Rigaud, ce poète surréaliste, dont la mort a tellement dérangé les autres surréalistes. Et puis Drieu, qui était son ami, qui a voulu parler de lui, et qui en a parlé en parlant de lui. Alors déjà, il y avait un décalage entre Rigaud et le livre. Le livre, c'était Rigaud, mais c'était surtout Drieu. Et puis moi, j'ai abordé le livre dans une certaine... dans un certain état d'esprit qui fait que j'ai eu envie de parler quand même un peu de moi à travers les... Et puis là-dessus, Maurice est arrivé pour l'interpréter et il a encore... Je dois dire que ce qu'a été l'interprétation de Maurice par rapport au scénario lui a donné une dimension supplémentaire. J'étais pas tout à fait sûr que c'était lui le personnage au début. J'avais pensé à un moment donné revenir par rapport à Drieu à Rigaud, c'est-à-dire quelqu'un de plus glacé, de plus agressif, de plus froid, de plus... je sais pas, un personnage plus dans cette tradition du dandysme littéraire, enfin de l'agression vis-à-vis. Et puis, alors, ce qui fait qu'on est arrivé finalement à un film qui était vraiment l'accumulation de tous ces étages. Et évidemment, c'est subtil, et je ne vois pas pourquoi le spectateur s'intéresserait à ça, mais quand on le regarde d'un œil de l'intérieur, c'est tout à fait intéressant. Il y a une ambiguïté profonde dans le film. Je pense que Maurice René, en rentrant dans le personnage, vous l'avez actualisé, c'est-à-dire que vous lui avez donné un visage d'aujourd'hui. Et le fait que le livre soit sur un drogué, on lui donne déjà le visage d'un de ces personnages un petit peu cireux que décrit très bien Drieux, avec ces espèces de chevelures comme une perruque d'une momie. Enfin, on voit très bien, on a vu tous au moins une fois un drogué, on sait un peu à quoi il est. Et ça l'aurait déshumanisé. Et d'ailleurs, il est un peu déshumanisé quand Drieux le décrit, je trouve. On ne sent plus tellement. Et tout d'un coup, vous lui avez donné, et c'est pour ça que je suppose que vous l'avez transformé en un alcoolique, c'est qu'au fond, bon, des alcooliques, c'est un problème de notre époque. On a tous bu du whisky, on sait ce que c'est qu'un homme qui a bu trop à 2h du matin. Donc, en fait, qu'il soit alcoolique ou drogué, je crois que c'est pas tellement le cas. Mais je crois que c'est un alcoolique dans le film, dans le livre. Il boit aussi. Il n'y a pas de drogué qui ne soit pas alcoolique s'il arrête de se droguer. Et en fin de compte, finalement, le problème n'est bien sûr pas celui de l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à désintoxiquer, c'est celui d'un homme qui n'a jamais réussi à s'adapter au monde et qui, à un moment donné, a pris la drogue comme succès d'année ou l'alcool. Qui est cassé. Et cassé, ou s'est-il jamais adapté? On a l'impression qu'il y a toujours eu cette cassure, qu'il est né. La réponse est un peu dans le livre, quand Drieux parle de le suicide et l'acte d'un homme dont le ressort a été rongé par la rouille du quotidien. Oui. Je cite de mémoire, je ne suis pas sûr. Mais c'est-à-dire que c'est un homme qui est déjà mort. Nous avons parlé déjà directement du Feu follet. Je crois qu'il est inutile de revenir sur les autres films que vous avez faits pour les évoquer brièvement, c'est-à-dire Ascenseur pour les chapeaux, Les Amants, Zazie dans le métro, et entre Zazie dans le métro, donc un temps d'arrêt assez long avec des courts-métrages, Vie privée et Feu follet. Et puis après le Feu follet, Viva Maria, votre dernier film. Et maintenant, vous préparez Le voleur de Darien. Oui. Qui sera tourné quand incessamment. Alors, je vais vous demander de faire un petit travail avec nous, Maurice René et Louis Malle. C'est de nous aider à comprendre ce scénario. Je pense qu'il sera intéressant de temps en temps de revenir au roman. Mais pour nous, il est assez passionnant de savoir comment est fait votre scénario, les indications qui sont dedans. C'est à la fois pour le jeune cinéphile, et maintenant il y a beaucoup de cinéphiles en France qui ne traitent pas le cinéma comme un art de divertissement, mais qui l'étudient avec le même sérieux que la littérature. Je pense que pour eux, il est passionnant d'avoir l'étude d'un scénario de film comme on pourrait étudier une pièce de théâtre. Et puis il y a aussi le pouvoir évocateur de la radio que je crois, que j'espère que vous découvrirez au fur et à mesure de la lecture, qui fait que bien que le cinéma soit bien sûr un art de l'image, on arrive grâce au texte écrit à évoquer à la radio le film. Bien sûr, il faut l'avoir vu. Là aussi, je serais curieux de savoir les réactions de quelqu'un qui entendra cette émission qui n'aurait pas vu le film. Mais je pense que pour tous ceux qui ont vu le film, on peut le revivre d'une manière très passionnante, peut-être plus intellectuelle, plus critique, à travers cette étude d'un scénario. D'un autre côté, nous ne connaissons pas toujours les scénarios, on en a édité tout de même encore assez peu, et donc c'est une manière de le faire connaître aux gens. Alors je vais vous demander, Louis Malle, si vous voulez bien lire ou commenter tout ce qui est partie visuelle, et je vais demander à Maurice René, sur la formule de la lecture à une voix, de nous donner un aperçu du dialogue. Alors nous allons le feuilleter ensemble. Il est certain qu'une des plus belles scènes du roman, et je pense aussi du film, c'est la toute première. Et peut-être pourrait-on demander d'abord à Maurice René de nous lire, si vous voulez bien, les deux premières pages du livre, de façon qu'ensuite nous voyons comment se fait le découpage. À ce moment-là, Alain regardait Lydia avec acharnement. Mais il la scrutait ainsi depuis qu'elle était arrivée à Paris 3 jours plus tôt. Qu'attendait-il ? Un soudain éclaircissement sur elle ou sur lui. Lydia le regardait aussi, avec des yeux dilatés, mais non pas intenses. Et bientôt, elle détourna la tête et ses paupières s'abaissant, elle s'absorba. Dans quoi ? Dans elle-même. Était-ce elle, cette colère grondante et satisfaite qui gonflait son cou et son ventre ? Ce n'était que l'humeur d'un instant. C'était déjà fini. Ce qui fit qu'il cessa aussi de la regarder. Pour lui, la sensation avait glissé une fois de plus, insaisissable, comme une couleuvre entre deux cailloux. Il resta un moment immobile, couché sur elle. Mais il ne s'abandonnait pas, crispé, soulevé sur ses coudes. Puis, comme sa chair s'oubliait, il se sentit inutile et se renversa à côté d'elle. Elle était allongée presque au bord du lit. Il eut juste la place de se maintenir sur le flanc, tout contre elle, plus haut qu'elle. Lydia rouvrit les yeux. Elle n'aperçut qu'un buste velu, pas de tête. Elle ne s'en soucia pas. Elle n'avait rien éprouvé non plus de très violent, mais pourtant le déclic s'était produit, et c'était tout ce qu'elle avait jamais connu, cette sensation sans rayon, mais nette. La maigre lumière qui grelottait dans l'ampoule du plafond révélait à peine, à travers l'écharpe dont Alain l'avait enveloppée, des murs ou des meubles inconnus. « Pauvre Alain, comme vous êtes mal, » dit-elle au bout d'un moment. Et sans se presser, elle lui fit place. « Une cigarette, » demanda-t-elle. « Il y avait longtemps, » murmura-t-il d'une voix blanche. Il prit le paquet qu'il avait pris soin de poser sur la table de nuit quand il s'était couché quelques minutes auparavant. C'était un paquet intact, mais le troisième de la journée. Il l'éventra d'un coup d'ongle et ils éprouvèrent du plaisir, comme s'ils en avaient été longtemps privés, à tirer de la botte serrée deux petits rouleaux blancs bien bourrés de tabac odorant. Sans se donner la peine de tourner la tête, en se rabattant sur le dos et en tordant sa belle épaule, elle chercha d'une main aveugle sur l'autre table de nuit son sac d'où elle tira un briquet. Les deux cigarettes grillèrent. La cérémonie était finie. Il fallait parler. À partir de ces premières pages du livre, qui sont déjà très visuelles lorsqu'on est comme nous, formé ou déformé par le cinéma, j'aimerais, Louis Malle, que nous commencions à lire votre scénario, que nous voyons comment cela donne un découpage. Alors, voilà ce qu'il y a écrit. Chambre d'hôtel, Versailles, aube. Une note. Le film commence sur la voix off, écran vide. Ensuite, s'alternent les visages tout à fait fixes. Un visage de femme, regard tendu. Elle est enfoncée dans le drap, presque en porte-à-faux sur le rebord du lit. Un visage d'homme penché sur elle. Il se touche presque, un peu décalé. Très gros plan, Lydia. Et vient la voix off. À ce moment-là, Alain regardait Lydia avec acharnement. Il la scrutait ainsi depuis qu'elle était venue le voir, 3 jours plus tôt. Qu'attendait-il ? Lydia détourna la tête et ses paupières s'abaissant, elle s'absorba. Dans quoi ? Dans elle-même. Était-ce elle, cette colère satisfaite qui gonflait son cou et son ventre, cette sensation sans rayon mais nette ? Ce n'était que l'humeur d'un instant. C'était déjà fini. Ce qui fit qu'il cessa de la regarder. Pour lui, la sensation avait glissé, une fois de plus insaisissable, comme une couleuvre entre deux cailloux. Il détourne les yeux, s'enfonce dans son épaule, dans sa chevelure. Elle reste immobile, elle attend. Après quelques longues, quelques angoissantes secondes, il se redresse, se retrouve en face d'elle. Il se regarde avec gêne, avec pudeur. Elle lui sourit enfin. Jusque-là, ce n'était que des visages, des gros plans de visages plein cadre. Maintenant, c'est un corps d'homme couché sur un corps de femme, un homme crispé soulevé sur ses coudes. Doucement, sans cesser de la regarder, il se laisse glisser à côté d'elle. Elle est allongée presque au bord du lit qui est minuscule, ce qui fait qu'il a juste la place de se maintenir sur le flanc, tout contre elle, plus haut qu'elle. Il lui caresse les cheveux, et le visage, maladroitement. leur silence devient intolérable. Elle se pousse vers le mur pour lui faire place. Lydia, pauvre Alain, comme vous êtes mal. Il articule avec effort d'une voix blanche. Il y avait longtemps. Elle n'a pas compris. Elle l'interroge du regard. Alain, je dis il y avait longtemps. Elle interrompt aussitôt cet embryon de confidence. Une cigarette. La main d'Alain quitte la chevelure brune pour se glisser jusqu'à la table de nuit, saisir à tâtons un paquet d'américaines, sortir d'un coup d'ongle deux cigarettes. Bon, sans se donner la peine de tourner la tête, en se rabattant sur le dos et en tordant son épaule nue, elle extrait de son sac qui gît à terre un briquet. Les deux cigarettes grillent, ils en éprouvent du plaisir. Elle est assise sur le bord du lit. Le drap couvre imparfaitement sa nudité. Il est resté couché sur le côté, le visage vers elle qui lui caresse le dos. Alain, je m'en vais. Lydia, souriez-moi, Alain. C'était très bien. Je suis contente. Chose qui m'a frappé dès le démarrage du film, et ce qui n'est pas indiqué dans votre scénario, c'est la coloration que vous avez donnée. Il y a une coloration blafarde qui vient, je ne sais pas, vous allez nous dire, ou de la pellicule, ou de l'éclairage, ou de la technique de tournage. Oui, c'est très recherché, ça c'est très voulu. On a tourné cette scène à l'Hôtel Continental, dans une chambre admirable, qui venait de cette époque-là, une chambre 1930, avec des boiseries claires à côté, vous savez, qu'on appelle le style Leleu, si vous voulez, ce décorateur de l'époque. Et je sais pas, c'est une lumière sans ombre, très blafarde, très grise, très, très petit matin, avec des murs gris, ni blanc ni noir. Et effectivement, l'impression recherchée, c'est une impression de tout à fait désespérante. Enfin. Mais j'aime beaucoup les exemples de cinéma subjectif, et je crois que là, vous avez par la coloration blafarde rendu ce que les gens auraient dû comprendre tout de suite, si pour peu qu'une fois et dans leur vie ils l'aient vécu. Enfin, j'ai l'impression que lorsque certains petits matins se réveillent et que ça ne s'est pas très bien passé au cours de la nuit, c'est cette lumière, non? Oui, non, ce que je regrette moi toujours, c'est que moi je sais que mon principal défaut c'est de ne pas mettre assez les points sur les i. Et très souvent, j'ai eu des surprises, une fois le film terminé, de m'apercevoir que certaines intentions qui me paraissaient, mais d'une précision atroce, je trouvais que j'avais vraiment eu la main lourde. Et quand le film sortait, quand les gens le voyaient, que ce soit les critiques, enfin, les critiques, c'est pas très grave, mais les spectateurs qui m'en parlaient, je m'apercevais qu'il y a des tas de choses qui ne passaient pas, qui n'étaient pas passées. En tout cas, à première vision. C'est un peu idiot de dire ça parce que je crois que tous les cinéastes disent comme moi. Mais j'ai toujours l'impression que vraiment, il faut voir mes films deux fois. Non, c'est-à-dire, je fais attention à ça maintenant. J'essaye d'appuyer un peu plus. Il faut quand même se faire comprendre, c'est important. Là, il y a un certain nombre de spectateurs. Je ne parle pas des spectateurs qui ont lu le livre ou qui s'intéressent particulièrement au cinéma. Je parle du spectateur normal, qui est quand même le spectateur qu'on essaye d'intéresser. Quelquefois, beaucoup d'entre eux n'ont pas tout à fait compris le sens de cette première scène. On continue. Lydia, admirable jambe, visage creusé, bouche amère, parle français très couramment, mais avec un léger accent. Elle se dresse soudain. Lydia, Alain, il fait jour. Il faut que je rentre à l'hôtel. Alain, c'est vrai, c'est ce matin que vous partez. J'y pensais plus. Lydia court vers la salle de bain, disparaît. Lydia, je dois faire mon bagage. Alain se redresse. On voit couler un peu de jour à travers les rideaux. Alain, votre avion n'est qu'à 11h. Lydia, j'ai plusieurs choses à faire ce matin. Francesca vient me chercher à 8h. Alain se lève lentement, péniblement. Il est très beau. Il a un peu plus de 30 ans. Son ventre est plat. Pourtant, la mauvaise graisse de son visage le fait paraître soufflé. Beau masque, mais masque de cire. Il passe sa chemise, son pantalon très vite, les yeux dans le vague. Lydia rentre dans la pièce, presque rhabillée déjà. Alain, quand le corps de Lydia est à sa portée, esquisse un geste pour l'étreindre. Il est gauche, il n'est pas à son aise. Elle se dégage doucement, lui prend les mains, la tire vers elle, le forçant à se lever. Elle le prend dans ses bras. Leurs deux visages, graves et fatigués, sont émouvants. Lydia, Alain, je suis si contente de vous avoir revue. Vous savez, je vous aime d'une façon très particulière. Elle l'a dit lentement, en articulant chaque mot. Alain, je vous remercie d'être venu. Lydia, remerciez Dorothy. Après tout, c'est elle qui m'a demandé de vous voir, qui m'a donné l'adresse de la clinique. Lydia rit légèrement, un peu faux. Elle s'est dégagée tout en parlant. Elle a attrapé son sac, une cigarette au vol, un sourire. Elle retourne à la salle de bain. Alain tourne dans la pièce. C'est une chambre de passe, laide, sordide. Les murs, les meubles, la moquette, les rideaux ont la même couleur rouge foncé, lit de vin. Derrière le rideau, Alain entrevoit un paysage de toit noyé dans une brume d'aube. Ça a été supprimé dans le film. Il finit de se rhabiller, chaussures, cravate, élevant un peu le ton pour se faire entendre de Lydia. Lydia, qu'est-ce que je dois dire à Dorothy ? Alain, rien, pourquoi ? Lydia, j'ai promis de l'appeler dès mon retour à New York. Elle veut beaucoup savoir où vous en êtes. Alain, que lui direz-vous ? Lydia, la vérité, vous êtes tout à fait guéri. Je lui demanderai ce qu'elle compte faire avec vous. Alain s'avance vers la salle de bain. Vous lui direz que nous avons... Lydia. Non, Alain, sauf si vous me le demandez. Alain, je ne vous le demande pas. Leurs regards se croisent maintenant dans la glace de la salle de bain. Lydia est attentive. Avec du rouge, du blanc, du noir, elle efface les traces de la nuit, de la fatigue. Alain se recoiffe machinalement. Elle se doutera de quelque chose ? Lydia, je crois qu'elle n'y pensera même pas. Elle a autre chose en tête. Et puis de toute façon, ça l'arrangerait plus tôt. Est-ce que vous avez parlé divorce avec elle ? Alain, une fois à New York, il y a 6 mois, juste avant mon départ. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Elle envoie un chèque au médecin tous les mois. Lydia, elle ne vous écrit jamais ? Alain, un peu au début. Lydia, et vous ? Alain, je lui ai envoyé une lettre il y a 15 jours. Elle a dû vous en parler ? Lydia, non. Lydia, est-ce que vous l'aimez encore ? Alain, je ne sais pas. Alain baisse la tête. Lydia parle alors avec décision pour convaincre. Dorothy n'est pas la femme qu'il vous faut. Elle n'est pas assez riche. Elle vous laisse courir. Il vous faut une femme qui ne vous quitte pas d'une semelle. Quand ça vous êtes triste, et vous faites n'importe quoi. Alain, c'est vrai, vous me connaissez bien. Quand je suis triste, je fais n'importe quoi. Lydia passe son bras autour de la poitrine d'Alain. Évidemment, je vous connais. Je crois qu'au fond, j'ai toujours eu envie de vous épouser, même du temps de Dorothy. Elle l'a dit sans ironie, sérieusement. Elle se détache, lui sourit. Il ouvre la porte. Elle se retourne pour jeter un dernier coup d'œil vers le lit défait. Au bout du couloir, une bonne échevelée, livide, habillée de noir avec un tablier blanc, s'arrache à un fauteuil où elle ronflait en boule et les précède dans l'escalier. J'ai l'impression que cette séquence n'est pas telle qu'elle. On l'a coupée, oui, on l'a coupée. Elle est plus neutre, on ne la voit pas échevelée et livide, on la voit assez misérable. On la voit juste une fraction de seconde dans la porte. Et puis la chose très très jolie qui était dans le livre, c'est que la bonne leur ouvre la porte, Alain se fouille, il n'a plus d'argent. Alors très vite, avec naturel, il détache sa montre bracelet et lui glisse dans la main. La bonne en reste stupéfaite. Je trouve que c'est un geste admirable, ça. Qui montre absolument le personnage. Ah bon, la seule chose que je regrette, c'est qu'en fait, il y a comme ça, vous savez, des moments dans les films où ça n'est pas tout à fait aussi bien qu'on voudrait. Quoi. Enfin, c'est même loin d'être aussi bien qu'on voudrait. C'était pour moi une scène clé. Ce n'est pas assez frappant. Ah si, elle est parfaitement réussie. Je crois que cette première scène est une perfection absolue. Oui, c'était beau qu'il détache son bracelet et sa montre qu'il lui donne. Je sais pas, il me semble que c'était C'est tout le personnage. Bon alors, ils sortent, place et café, Versailles, Aube. Dehors, il fait froid. Ils se serrent l'un contre l'autre frileusement. Le jour n'a pas encore tout à fait effacé les lumières de la nuit. Vous savez, c'est très difficile à tourner, toujours, c'est les séquences où les deux lumières se mélangent. Que quand la lumière artificielle marque encore et que le jour est déjà là. C'est ce qui nous donne le plus de mal, toujours. On a à peu près 10 minutes pour faire ça, un quart d'heure. Lydia, pour se réchauffer, fait quelques mètres en courant, s'arrête de dos, épaule droite, longue silhouette. Alain la regarde un instant, puis quand elle se retourne, il la rejoint et lui prend le bras. Je ne pourrai pas vous accompagner à Orly. Lydia le regarde, il continue embarrassé très vite, comme s'il mentait. Le médecin sera déjà furieux que j'ai passé la nuit dehors, c'est contre toutes les règles. Si je ne rentre pas maintenant, il me flanquera à la porte. Lydia le coupe. Francesca me conduira. Et puis Alain, nous allons bientôt nous retrouver. Elle le regarde très amoureusement et dit comme une plaisanterie. Quand nous serons mariés, nous ferons un voyage en Asie ou au Japon. Il rit et entre dans un café. Mais au comptoir, ils finissent leur expresso, ils ne parlent pas. Ceux qui les entourent, ouvriers, employés, garçons, petit peuple d'Elefteau qui prend les forces au comptoir avant de courir au travail, cela observe avec attention ce beau couple fatigué et silencieux, les survivants de la nuit. Lydia, combien de temps sans boire ? La froide question de Lydia surprend Alain, il hésite. 2 mois, à peu près. Lydia, sans une goutte d'alcool ? Alain, depuis la fin du traitement, pas une goutte. Lydia est surprise, ainsi que le petit homme qui boit un marc à côté d'eux. Alain explique à voix très basse. Le traitement, ça consiste à vous faire boire, boire, boire, en crever. Le petit homme, très inquiet. C'est dur ? Alain le regarde. Si j'avais su ce que c'était, je n'aurais pas fait. Lydia lui prend le bras, tendrement. Et maintenant ? Alain, maintenant ? Rien. Il se tourne vers elle comme s'il allait la prendre dans ses bras. Il semble très ému. Lydia, je voulais vous dire... Il regarde autour de lui, ces gens qu'il dévisage, il renonce. Venez, allons-nous-en. Alors, la scène suivante, nous sommes en taxi... Toujours Versailles, toujours l'aube. Le taxi roule dans une avenue solennelle et déserte du vieux Versailles. Lydia, cette ville oubliée, si triste, cette drôle de clinique. Lydia se penche vers Alain, elle veut convaincre. Vous êtes guéri, Alain. Pourquoi restez-vous ici ? Alain, je m'y sens bien. Une vie de malade, c'est réglé, c'est simple. On est à l'abri. Je n'ai pas très envie de rentrer dans la vie. Paris me fait peur. Vous me trouvez lâche ? Lydia. Non, Alain. Je vous trouve malheureux. Elle lui tend un chèque, sans un mot. Alain le prend, l'examine. Qu'est-ce qui vous prend ? Lydia. Je vous dois cet argent depuis longtemps. Vous avez oublié, mais pas moi, une dette de jeu sur les bateaux des Ographos, il y a 4 ans. Prenez-le, vous en aurez besoin. Non, mais il se passe une chose curieuse, c'est que c'était pas comme ça. Non, hein. c'était pas dans le taxi, ça, c'était au bar. Oui, on l'a changé, on ça. A changé, bon, ouais. Voilà une chose qu'on a changée. C'est-à-dire que ça se dit au moment où ils boivent le café. Oui. Enfin, c'était une idée simple, c'était que, en fait, oui, elle l'achetait, quoi. C'est-à-dire que c'est Dorothée qui payait les notes de la clinique, elle lui donnait de l'argent. De toute façon, pour lui, l'argent n'avait absolument aucune importance. Et elle le faisait, en tout cas, avec délicatesse, puisque elle prétendait que elle lui devait cet argent. Enfin, c'était avant, ça. La scène était beaucoup plus tendue à la fin du... du taxi. Oui. Lydia hésite, puis... Alain, venez à New York. Promettez-moi que vous viendrez à New York aussitôt que vous pourrez. Il le faut, pour en finir avec Dorothy. Même si vous devez vous remettre avec elle. Silence gêné, Lydia attire Alain vers elle comme si elle voulait lui communiquer sa chaleur, sa force. Lui, si impassible, si distant jusque-là, il s'émeut soudain comme si ses nerfs craquaient. Ne partez pas. Ne me laissez pas. J'ai besoin de vous. Elle met sa main dans la sienne. Il se tourne vers elle et serrant cette main très fort, presque convulsivement, il la porte à son visage. Ne partez pas, je vous en prie. C'est grave. Lydia se dégage doucement. Elle lui caresse le visage avec beaucoup de tendresse. Il le faut, Alain. Je dois être à New York demain. Ils attendent les modèles. Alain sourit. Il s'est déjà repris. C'est important, n'est-ce pas ? Lydia, toute la fabrication en dépend. Je suis devenue une femme d'affaires, vous savez. Alain ne répond pas, impassible à nouveau. À ce moment, le taxi, dans un coup de frein brusque, s'arrête le long du trottoir. Ils sont jetés en avant. Alain descend. Lydia cherche à le retenir par le bras. Il se dégage et sort du taxi. Lydia crie presque. Je sais, Alain, je vous laisse à votre pire ennemi, à vous-même. Alain se retourne. Il prend le bras que Lydia lui tend. Il la regarde. Venez vite à New York. Nous nous marierons. Alain sourit. Il lui baise la main. Posément, il exécute Lydia. Non, Lydia, c'est non. Je ne viendrai pas à New York. Je ne vous épouserai pas. Vous seriez malheureuse. Une autre Dorothy. Il se penche, embrasse rapidement Lydia interdite. À voix basse, il ajoute... Et puis vous ne pouvez rien pour moi. C'est trop tard. Il dit au chauffeur... Conduisez Madame à Paris, hôtel Raphaël, avenue Kléber. Il traverse le trottoir, se trouve devant une grille, il essaye d'ouvrir, elle est fermée. Il sonne. Près de la sonnette, une plaque. Maison de santé du docteur Labarbinet, cure de repos, surveillance médicale. Le taxi démarre. Alors ensuite, il y a évidemment une série de scènes qu'on peut peut-être résumer. Bah, oui, c'est-à-dire là... Alors on le retrouve quelques heures plus tard, disons qu'il est midi, enfin midi et demi, il est en train de lire, et puis on l'appelle pour déjeuner dans cette clinique que beaucoup de gens ont trouvé bizarre, et qui sont des cliniques qui existent et qui existent encore. Ouais. J'insiste beaucoup sur ce point, parce qu'effectivement, on ne fait plus les désintoxications de cette façon-là. C'est faux, enfin moi j'en connais deux comme ça. Je dois dire que le curieux c'est que je les ai connus depuis le tournage. Enfin j'ai été rendre visite, j'ai un ami qui s'est trouvé successivement dans deux endroits qui sont exactement comme ça, frappant. Avec le même genre de clientèle. Le même genre de clientèle et en tout cas dans l'un des cas avec exactement le même médecin. Assez bizarre. Oui j'ai connu exactement la même chose. Bon, alors... On l'appelle, il va rejoindre les autres pensionnaires à table, qui sont tous des gens un peu excentriques, qu'on soigne pour de maladies plus ou moins imaginaires. Au fond, ils ont tous de l'argent et ce docteur tient à les garder. Il aurait par contre envie de se débarrasser d'Alain qui l'inquiète et qui lui paraît guéri, et puis je ne sais pas, qui est tellement différent des autres que... Il a plutôt envie de s'en débarrasser. Dans le roman, Drieux souligne même qu'au fond, il l'a pris parce que c'est un client riche, ou du moins qu'on paye pour lui, et qu'au fond, d'habitude, il ne prend pas des clients aussi dangereux, ce que la fin du livre et du film justifie. Oui, le Drieux dans le livre est extrêmement dur pour le médecin. J'ai un petit peu gommé ça, hein, parce que ce n'est pas indispensable, mais ça reste quand même un médecin assez antipathique, il n'y a pas de doute. Alors là, cette scène à table où ils discutent avec les pensionnaires, on montre que c'est une pension de de vieilles gens, une sorte de doux excentrique, cette espèce de ponte aux dames de la bourgeoisie, comme ça. Différents personnages, enfin, avec beaucoup d'acteurs que j'aime beaucoup, avec Yvonne Clèche, avec Hubert Deschamps. C'était assez... Les acteurs que vous reprenez dans vos films, d'ailleurs. Oui, des acteurs que je reprends souvent, oui. Yvonne Clèche, moi, je sais pas, elle était très très bien dans un rôle de vieille fille, comme ça, très précieuse. Alors, il y avait une scène importante qui était bien dans le film, c'était, il prenait l'air après une seconde sur le perron de cette espèce de villa 1900 transformée en clinique, et on voyait tout de suite là ses rapports avec le monde extérieur. Il fixait son regard à un moment donné sur une maison voisine où une femme était en train d'étendre du linge. Il regardait ça comme si c'était loin, comme si c'était vu à travers des masques. Et puis il était abordé par Yvonne Clèche, enfin par ce personnage de Mademoiselle Farnoux, qui lui disait qu'on lui avait dit qu'il allait bientôt quitter la clinique et qu'il allait leur manquer. Et puis il rentrait dans sa chambre et il restait dans sa chambre pendant 20 minutes. C'était une très très longue scène du film où il tournait en rond, il s'ennuyait, il tripotait les objets, il essayait de fixer son attention sur les choses. Il monologuait aussi, il parlait tout seul. On l'avait désintoxiqué, c'était une opération réussie. Et il se retrouvait vide. Il se sentait, il disait ça, il se sentait terriblement vide. On tournait chez un ami, dans un décor réel, dans une espèce d'arrière-chambre d'appartement bourgeois, et qu'on avait un petit peu transformé. C'était une pièce très étroite, très petite. Et on est resté pendant, je crois, pratiquement 3 semaines dans cette pièce. Et on devenait fou. C'est un de mes souvenirs de tournage les plus durs. Parce que nous étions quand même avec une équipe archi réduite. On était quand même une douzaine dans cette pièce. Et en fin de journée, c'était vraiment une impression terrible. Une impression de claustrophobie. Et qui, je crois, servait le film. Peut-être qu'on pourrait demander à Maurice Ronet de nous lire cette description. Il y a là 3 pages qui me paraissent se rendre assez bien. Cette impression que nous avions du personnage dans sa chambre qui tourne en rond. La pièce où vit Alain dans cette clinique déguisée en maison bourgeoise tient à la fois de l'hôtel de province cossu, sinon moderne, et de la chambre d'étudiant logée chez ses parents. Un lit, une cheminée surmontée d'une glace, un lavabo, une table, une chaise, une fenêtre, une étagère à livres au-dessus du lit, un placard à vêtements, des valises dans un coin, de belles valises en cuir fatigué. Tout est rangé parfaitement. Sur la table, il y a des lettres, des factures, classées en 2 paquets. Une pile de paquets de cigarettes, des pochettes d'allumettes de toute provenance. Un stylo, une petite valise. Sur la table de nuit, plusieurs flacons de pilules, une série noire, un exemplaire de Playboy, un numéro de Mad, un verre d'eau. Sur la cheminée, un très beau briquet, une montre de chez Cartier. Une affreuse petite statuette de plâtre colorié, genre objet de foire, représentant une femme nue dans une attitude lascive. Un échiquier de petite taille, partie engagée. Oui, c'est bien. Alain entre, il va à la glace, il se regarde. Il se passe la main sur la joue. Il tripote un peu l'échiquier. Fixé sur la glace par des timbres poste, ou bien glissé dans la rainure entre la glace et le bois, des coupures de journaux et des photos encadrent son visage. Les coupures sont des bizarreries, des extravagances de titrage de la grande presse. Les photos sont nombreuses. Mais 2 d'entre elles frappent immédiatement. L'une représente Alain, l'autre Lydia, tous 2 avec la même femme, Dorothy. Une personne aux longues jambes, avec un large sourire là. Un corps de jeune garçon, une chevelure flamboyante. Avec Lydia, c'est une grande photo glacée en couleur, faite au Harris Bar à Paris. Elles se tiennent par la hanche, naïvement équivoques. Elles rient aux éclats. Avec Alain, c'est une photo posée noir et blanc, très mate, une page arrachée à Vogue ou Harper's Bazaar. Il y aura aussi une photo de Solange, photo de vacances, bord de mer, costume de bain. Alain regarde ses photos. Avec le doigt, il dessine les contours du visage et du corps de Dorothy. Et il se retourne brusquement, comme si quelqu'un l'épiait. Il n'y a que lui-même. et la glace qui n'ouvre que sur lui-même. Il tourne en rond, un peu, range des choses, avec un côté méticuleux qui surprend. En particulier un foulard à dessin géométrique, très 1925, qu'il plie soigneusement et pose sur la cheminée près de la statuette. Alain est à la table. Il déplace un ou deux papiers, trouve le chèque de Lydia qu'il pose à plat sur la table. Il l'examine attentivement, marmonne des chiffres presque incompréhensibles, feuillette la pile de factures un court instant, puis, avec un haussement d'épaule, il va fixer le chèque à la glace, à côté d'une inscription géante, au magique marqueur, 23 juillet. Pour accompagner ses gestes, Alain murmure « L'argent, l'argent ». Il chantonne presque, geste des mains. Ça vous file entre les doigts. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il pique le chèque dans la rainure. On retrouve Alain à la table. Il s'assied, ouvre un dossier. Ce sont des feuillets, couverts de la même écriture épaisse, rapide, un peu informe, beaucoup de ratures. Il semble pressé de noter quelque chose qu'il a en tête. Il se met à écrire très vite sur un feuillet déjà presque rempli. Il s'arrête, relit, raye, recommence. Il est arrêté, stylo en l'air. Il se met à rêver. L'inspiration est partie. Le stylo livré à lui-même dessine des traits informes sur la feuille. Désœuvré, il dégage un classeur en carton sous une pile de papier. Le classeur contient un pistolet d'ordonnance enveloppé dans un mouchoir de soie. Alain le tripote machinalement. Il est en pleine rêverie lorsque la sirène stridente d'une ambulance le fait se lever et aller à la fenêtre. Passage de l'ambulance, très vite, elle est rouge. Le docteur Labarbinet s'embrouille, ouvre la porte de la chambre, entre et se tient immobile, observant Alain. Alors, il y a la scène avec Labarbinet. Il vient jouer aux échecs avec lui, et puis il essaye de lui expliquer qu'il est guéri et qu'il peut s'en aller, quoi. Alors, Alain, à la fois un tout petit peu, avec assez d'humour noir tout de même, et finalement, sincèrement, lui explique que s'il sort de cette clinique, il va recommencer à boire, qu'il n'a pas de nouvelles de Dorothy, qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, que, en fait, ici, il a l'impression, vraiment, dans cette, il faut bien dire, allons jusqu'au bout des mots, il a l'impression dans cette chambre d'être dans le ventre de sa mère, enfin, que s'il sort, ça va être la panique. Et le docteur est très embêté, parce qu'au fond, il voudrait bien se débarrasser de lui. Il y a deux, trois phrases que je note au passage qui sont assez frappantes. C'est « Je suis patient, je n'ai fait qu'attendre toute ma vie. Attendre que quelque chose se passe, je n'ai jamais su quoi exactement. » Oui, et puis alors... Il lui dit, vous avez, le docteur lui dit, vous avez encore de ces angoisses, de ces angoisses. Et Alain lui dit, enfin, une des phrases clés du film. Ce ne sont pas des angoisses, docteur, c'est une angoisse perpétuelle. Le docteur dit... Il y a une chose qui est importante aussi, que vous avez très bien résumé d'ailleurs, quand j'avais souligné dans le livre, c'est le passage qui suit sur la volonté. Oui, c'est, alors le docteur mal à l'aise... tripote les médicaments sur la table. Si vous tenez bon encore quelque temps, peu à peu, ça va se desserrer. C'est une affaire de volonté. Contradiction, docteur. Comment pouvez-vous faire appel à ma volonté? Le mal est au cœur de ma volonté. Et c'est elle que vous soignez. Eh oui, il avait marqué la réponse mordante d'Alain déconcerte la Barbinet. Il recule jusqu'à la table. Oui, ça c'était très important. Et puis le docteur lui dit de télégraphier à sa femme, à Dorothy, de lui dire de prendre le premier avion. Mais enfin, on sent bien que pour le docteur, le docteur a une vue superficielle des choses. Évidemment, il ne peut pas connaître Alain suffisamment bien pour comprendre son problème. Et qu'il pense que cette femme saine, cette femme américaine, cette femme avec des qualités comme ça, dynamiques, peut le sauver, alors que lui, c'est bien que non. Et il finit par lui dire... Ne craignez rien. Je vous promets d'être parti d'ici à la fin de la semaine, de toute façon. Il y avait une note dans le scénario qui est amusante, qui dit... On aurait été frappé par le côté bizarre de celui-ci. du docteur. Oui. Son débit haché, ses volte-face rapides dans la pièce, la fixité de son regard, sa gêne vis-à-vis d'Alain, la façon dont il guette ses répliques, l'inquiétude que font naître en lui un propos ironique ou un sourire de son malade. On a l'impression qu'il le redoute. C'est tout à fait ça, la scène. Sans transition, on le retrouve dans son lit. Il avale quelques somnifères, boit un verre d'eau, s'allonge, les yeux ouverts. Demain, je me tue. Le lendemain matin, il est réveillé par Madame la Barbinet, qui est du genre femme enveloppante, enfin, espèce de mère affreuse. Et il avait pris brusquement sa décision, il allait à Paris. Alors évidemment, on rentre vraiment dans le cœur du film, c'est-à-dire qu'il va à Paris et il va aller voir ses amis. Si on est optimiste, on pense qu'il va les revoir pour leur dire qu'il est guéri. Et en fait, il va les revoir pour leur dire adieu. Alors, toute la suite des séquences, là, sont un certain nombre de rencontres. Il va aller voir un certain nombre de ses amis les uns après les autres, qui représentent chacun, d'une certaine façon, une solution. C'est-à-dire que ce sont tous des amis d'enfance, des gens qu'il a connus du temps de sa jeunesse, enfin, de la belle vie, de l'époque heureuse. Et qui tous ont essayé de trouver, qui tous se sont casés d'une façon ou d'une autre, enfin chacun avec sa solution et chacun dans une position tout de même un peu équivoque. Alain s'habille avec un soin minutieux. Tout son matériel d'illusionniste est déployé dans la chambre. La penderie ouverte contient une grande quantité de costumes, belles matières foncées. Sur le lavabo, nécessaire de toilette en vieux cuir, brosse et flacons. Dans un tiroir, une pile de chemises en flanelle, petits et grands carreaux. Sur la table, une boîte à boutons de manchette. Au revers de la porte de la penderie, un fil ploie sous le nombre des cravates. Il fait les gestes rituels, avec une attention soutenue. Choix de la chemise, flanelle blanche à carreaux bleus et verts, du costume, tweed brun rouille, des chaussures épaisses à grosse couture, de la cravate bleue unie. C'est amusant quand on se souvient du livre, car les chaussures épaisses à grosse couture sont d'Andrieux, par contre la cravate est rouge, et le costume n'est pas en tweed bleu, mais est un costume gris, neutre. Oui, là je me suis un peu amusé. Oui, bien sûr. Ses choix sont délicats. Alain ne se presse pas, il va du lavabo à la penderie, de la table à la cheminée. Geste précis. Pendant qu'il s'habille, il cherche lentement à haute voix comment il pourrait rédiger son télégramme à Dorothy. Télégramme. Attends ta lettre avec impatience. Non. Avec patience et espoir. Stop. Non, plus sec. Merci de ton silence. Stop. Non, je suis bête et méchant. Tu as un amoureux à Versailles. Stop. Pourquoi pas la brusquer un peu. Télégraphie, réponse. Stop. Besoin de toi. Stop. Minute compte. Stop. Non, la rassurer au contraire. Oublie cette lettre. Stop. Les ennuis sont terminés. Stop. Sois heureuse. Mais plutôt ça, au fond. Alors, le jeu du télégramme, d'abord ironique, est devenu grave. Il noue sa cravate. Il baisse les mains pour mieux se regarder dans la glace. Il se penche, il s'examine sans complaisance. ses traits boursouflés, ses rides, le teint de sa peau. Son visage touche presque la photo géante de Dorothy. Les ennuis sont terminés. Sois heureuse. Il finit de s'habiller. Différents gestes, boutons de manchette, montre, brosse à cheveux. Il continue à monologuer, c'est comme un coup de téléphone maintenant, une conversation imaginaire avec Dorothy par-dessus l'Atlantique. La lettre, jette-la. Elle ne veut plus rien dire. Hein ? Oui, j'ai des projets. Faire un voyage. Non, je ne viens pas à New York, rassure-toi. Je suis guéri. Lydie a dû te le dire. Elle t'a tout raconté ? Ah, mais c'est très bien. Je suis content de t'entendre. Parle plus doucement. Si, très bien. Je vois très très clair. Ah non, pas Lydia. Ce ne serait pas bien pour elle. Tout seul. Oui, c'est ça. Toi aussi, Dorothy, tu es libre. Oublie tout ça. C'est formidable parce que c'est exactement les mêmes. Tu l'as retrouvé 3 ans après, mais exactement pareil. C'est fou, hein. Alors, il envoie son télégramme, il part pour Paris, il rencontre des camionneurs des Galeries Lafayette, il achète des cigarettes, il arrive à Paris, il se retrouve sur les Champs-Élysées. Il y avait une scène importante où il rentrait dans une banque et il présentait le chèque de Lydia et il touchait l'argent. Et il y avait une espèce de scène de regard complètement muette entre lui et le caissier, qui était une scène... Enfin, c'est-à-dire il y avait les mains du caissier qui comptaient l'argent avec une espèce de virtuosité. Enfin, pour une bonne raison, c'est que c'était un vrai caissier. Ouais. Il y avait une petite chose aussi qui était secondaire. Enfin, c'était la scène avec les livreurs où... Lui demandait s'il vivait de vos rentes, il répond non. Et puis il cherche une excuse, alors il dit je suis malade. Alors eux disent ah, c'est donc ça. La petite indication était assez amusante. On sentait le petit décalage. Avec... Je crois que c'était tout de même une scène importante, sans que ça montrait tout de même que lui vivait dans un univers où il n'avait pas de vrai problème d'argent. C'est une bonne et scène. Que tout d'un coup, il était en face de gens qui voyaient les problèmes à un niveau plus réel. Et puis il y a une scène importante. Il arrive à l'hôtel. Du Quai Voltaire, qui est un hôtel où il habitait au temps de sa splendeur, là, quand il est... C'est l'équivalent du Ritz. Hein. Je ne me rappelle plus, parce que je sais que cette scène-là, je l'ai un petit peu volée à Scott Fitzgerald. Il y a une nouvelle de Scott Fitzgerald qui s'appelle... Ah oui, qui est merveilleuse, où il vient. Qui est l'histoire d'un homme, justement, qui s'est désintoxiqué et qui revient à Paris, qui est devenu sérieux, qui travaille en Allemagne et qui vient voir sa fille... Oui. Qu'on lui a confisqué, enfin je sais pas comment ça s'appelle. C'est Retour à Babylone. Voilà, oui. Babylone revisité. Babylone revisité. Et en fait, beaucoup de choses de cette scène du bar du Quai Voltaire viennent non pas du roman de Drieu, mais de cette nouvelle de Scott Fitzgerald. Qu'il y a quelques années, je voulais tourner et je me suis aperçu qu'elle avait déjà été tournée et que j'avais vu le film et que c'était un film américain. Et qu'ils avaient tellement transformé l'histoire que je ne l'avais absolument pas reconnue. Mais effectivement, le rapprochement avec Fitzgerald est tout de même intéressant. Hein. C'est que les personnages de Fitzgerald sont assez proches. Oui, sûrement. Il y a quelque chose. Sûrement. Bien sûr, c'est facile de dire non. Il y a des tas de choses très différentes. Mais en fait... Mais même le personnage d'Alain est proche de Fitzgerald. Oui, il est sûrement... Fitzgerald est plus démuni encore, il est moins intellectuel, il pense moins et c'est plus sensible. Et puis c'est tout à fait différent dans le personnage de Scott et le personnage de Drieu sont entièrement à l'opposé. Enfin là, il y avait une espèce de santé finalement dans Scott qui s'est... C'est-à-dire, il est allé jusqu'au bout de lui-même, il s'est usé, il s'est démoli, mais c'était quand même un Américain du Middle West à qui il est arrivé des choses... Ah oui, c'était un Rastignac. Oui, il y a un côté comme ça. Puis qui a vécu jusqu'au bout ce qu'il a voulu vivre. Ce qui est formidable dans Drieu, c'est qu'il y a une fascination de l'Amérique, une vraie fascination de l'Amérique, l'Amérique du Nord, puis de l'Amérique du Sud. Il a été vraiment fasciné par la jeunesse et la santé, enfin l'espèce de brutalité de l'Amérique. Et ça, je sais pas, dans, à travers tous ces romans, il y a toujours ces personnages, enfin, qui sont des personnages de la vie de Drieux, de sa femme, par exemple. Sa femme était américaine. Et il en... Je sais pas, dans Gilles, il a 50 pages où il explique ses rapports avec... Les rapports du personnage principal, j'entends bien, avec une américaine qui sont admirables, ouais. Admirables. J'aime pas beaucoup Gilles, mais je trouve ces pages-là où il... Ses rapports avec cette femme sont des choses les plus belles que j'ai lues. Alors, il prend ses rendez-vous pour la journée, c'est-à-dire il s'invite à déjeuner chez son ami Dubourg, il téléphone à Lavaux qui va avec lequel il va dîner, enfin, et il essaie de joindre des gens qu'il ne peut pas joindre, enfin, il s'organise, là. Et pendant ce temps-là, Charlie, le barman, lui raconte des trucs, lui dit c'est exactement la nouvelle de Scott. Enfin bref, il va déjeuner chez son ami Dubourg, qui était son meilleur ami, qui était son compagnon de route pendant de longues années, là, les années folles, enfin les années où on ne pensait pas, les jours où on ne pensait pas au lendemain, la fête, quoi, ce qu'il appelle la fête. Alors, il retrouve Dubourg installé dans une vie bourgeoise et en train de faire des études ésotériques. Mais il est tout de même bien typé, c'est un personnage qui existe toujours, parce qu'il habite dans le 6e, c'est un intellectuel de... On dirait un intellectuel de gauche, enfin, un intellectuel de... C'est pas un intellectuel de gauche, non. C'est un intellectuel de la rive gauche. Un intellectuel de la rive gauche. Je sais pas si c'est pareil, mais... Parce que dans le roman, il habite rue Guénégo et vous l'avez situé, vous, rue Sugère. Ben, ça reste... Ah bon ? Oui. On l'a tourné tout à fait ailleurs. On l'a tourné, oui, au contraire, dans le quartier, sur les boulevards, les grands boulevards. Okay. Mais c'est un hasard, c'est parce qu'on cherchait un appartement, qu'on a trouvé celui-là qui était bien. Oui, alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de Dubourg. Il s'est jeté dans l'étude, des textes hindous, de la cabale. C'est peut-être un personnage. Il a une femme, des enfants, qui sont pas à lui, qui sont des enfants de sa femme. Il n'est pas possible que sa femme gagne l'argent du ménage, parce que lui, on imagine qu'il écrit des livres qui ne se vendent pas beaucoup. Moi, je pensais à un personnage d'égyptologue, comme ça que j'ai connu, assez sûr de lui. Dubourg est assez sûr de lui, en même temps, pas très sûr de lui. On a l'impression qu'après avoir quitté Alain, il va passer un mauvais quart d'heure. Enfin, il va avoir quelques mal à retrouver son confort. Exactement. Surtout quand il apprendra le lendemain que... Alain s'est tué. Alors quand il se retrouve seul, il y a le déjeuner avec les gosses et puis cette espèce de vie réglée, de vie monacale, enfin du mariage, de vie bourgeoise, que Alain regarde avec une certaine ironie. Mais vous avez quand même, il y a des choses qui sont assez amusantes. Dans le livre, par exemple, le personnage de la femme est décrit avec beaucoup plus de méchanceté par Drieux. Vous avez choisi une actrice finalement sympathique et intelligente et qui ça se voit. Dans le roman, par exemple, une chose qui me frappe, il parle de ses dents gâtées et affreuses. Oui. C'est le genre d'état qui sont difficiles à mettre au cinéma. Bah, oui, moi je sais pas. Ça vient tout de suite énorme. Je trouvais que c'était... Non, puis j'avais pas du tout envie que cette femme... En fait, je crois que Drieux, quand il décrit des personnages comme ça, je crois qu'il décrit des personnages vrais. Dubourg, quelqu'un m'a dit qui c'était. C'était quelqu'un de... Un de leurs amis. Et il y met une certaine méchanceté, enfin, ce sont des descriptions assez précises, et je crois que c'était plus intéressant que le personnage joué par Ursula Kubler soit un peu énigmatique, un peu oriental, enfin, avec un mystère. Moi, je trouve que c'était mieux. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit au revoir, et que vous savez ou vous ne savez pas, mais en tout cas, le spectateur sait qu'il va se tuer... Et on dit que vraiment des choses absurdes. On dit que la vie est belle, la vie est bonne, regarde le soleil, tout va bien, c'est formidable. On peut dire, on est tellement en porte-à-faux, et même on en veut à celui qui vient vous voir de vous mettre tellement en porte-à-faux, de vous mettre dans cette situation impossible, de lui dire des bêtises, de la palissade, des vérités premières. Et c'est lui qui est fort, c'est lui qui a raison, c'est lui qui vous bat automatiquement. Alors, il est évident que toutes ces scènes où il y avait un rapport entre Alain et les différentes personnes qu'il rencontrait, les autres, je sais pas, tout d'un coup, avaient l'air grandiloquents, avaient l'air emphatiques, avaient l'air de dire des bêtises, avaient l'air bêtes, avaient l'air prétentieux. Je crois que c'est pas... Je m'en défends. Je crois que c'est pas tout à fait de ma faute. Je crois qu'on se trouve vraiment dans ces situations-là quand... quand quelqu'un vient vous voir et vous dit le genre de choses que Alain dit. Bon, on pourrait peut-être alors donner un exemple de ce dialogue qui se passe donc après qu'ils aient déjeuné tous en famille avec la femme et les enfants. Pour les cinéphiles, nous en sommes au plan 293. Dubourg et Alain sont seuls à nouveau dans le cabinet de travail. Alain s'est enfoncé dans un fauteuil, les épaules tombantes, le masque défait. J'écrivais un journal ces derniers temps, sans intérêt. J'ai tout déchiré ce matin. Dubourg hésite, puis se penche vers lui. Où en es-tu, Alain? Beaucoup de vide, moments atroces. Dubourg, tu tiendras le coup? Alain, quel coup? C'est fini pour moi. Je m'en vais? Tu n'as pas compris. Dubourg, enfin quoi, il y a tout de même des choses dans la vie. Tu as certainement une idée de la vie à toi. Mais à cette idée, il est impossible qu'elle périsse. J'ai horreur de ce qui reste enfermé. Il faut sortir ce qu'on a dans le ventre. C'est merveilleux, une chose bien faite. Alain, j'ignore ce que c'est. J'ai jamais fait que désirer l'argent, un peu comme tout le monde. Dubourg. Mais si c'était vrai, tu aurais travaillé, ou volé. Non, ce que tu appelles l'argent, c'est un prétexte à rêverie. Alain, parle. Je ne vais pas te priver de ton plaisir. Dubourg va et vient dans la pièce, il se laisse prendre à ses thèmes favoris. Ce que j'aime chez les hommes, ce ne sont pas leurs passions, mais ce qui sort de leurs passions, les idées, les dieux. Alain. Mais où sont-elles ici, les passions? Dubourg. Tu te trompes sur mon cas. Ne te fie pas aux apparences. Tu crois voir ici un petit bourgeois résigné, mais je vis beaucoup plus intensément que du temps des souleries et des coucheries. Je finirai par écrire un livre où il y aura toutes les vertus de l'ancienne Égypte. Elles coulent déjà dans mes veines. D'autres en profiteront. Alain est à la fenêtre et lui tourne le dos à Dubourg. Il ne l'écoute pas, il s'ennuie. Dubourg allume sa pipe, il rejoint... Oui, la pipe, c'était trop. Il n'y a pas de pipe dans le film. Il rejoint Alain à la fenêtre. Les rayons du soleil se diffusent et s'étalent sur la vitre. Dubourg prend Alain par les épaules dans un geste fervent, mais gauche. Alain, le soleil. On peut le toucher de la main. Dubourg, tu devrais venir avec nous en Égypte. Là-bas, les êtres ont du soleil dans le ventre. Alain se retourne, sourit à son ami. Viens marcher, prophète. Alors il marche dans la rue. Il y a toute cette longue scène là où il marche. Dubourg. Oui, j'ai vieilli. J'ai plus d'espoir, j'ai une certitude. Je suis sorti de ma jeunesse pour entrer dans une autre vie. Toi, tu tournes le dos, tu refuses l'âge adulte. Tu restes enfoncé dans ton adolescence. C'est de là que vient ton angoisse. Alain. C'est difficile d'être un homme. Il faut avoir envie. Dubourg, tu n'es pas fatigué par les mirages? Alain, j'ai horreur de la médiocrité. Dubourg, depuis 10 ans, tu vis dans une médiocrité dorée. Alain, j'en ai assez, justement. J'arrête. Dubourg regarde Alain et se tait. Alors il le réattaque sur les femmes. Pourtant, tu es torturé par l'idée des femmes. Alain, tu sais très bien que je n'ai aucun pouvoir sur elle. Dubourg, quelle blague. Alain, à 20 ans, j'avais une belle gueule. Aujourd'hui encore, elle me trouve amusant, gentil. Mais tout ça ne suffit pas. Je n'ai pas de prise sur elle. Pourtant, il n'y a que par les femmes que j'ai eu un peu l'impression d'avoir prise sur les choses. Ce n'est pas la vie en soi que je condamne. C'est ce qu'elle contient de méprisable. Dubourg. Je voudrais bien savoir comment tout ça a commencé. C'est par là que je pourrais te reprendre. Alain, l'alcool était dans mes veines avant que j'y réfléchisse. Dubourg, comment? Alain, j'ai commencé par attendre les choses, en buvant. Puis un jour, je me suis aperçu que j'avais passé ma vie à attendre. Les femmes, l'argent, l'action, Alors je me suis saoulé à mort. Dubourg. Pourtant tu as eu Dorothy et bien d'autres. Alain. Je ne les ai pas eues. Je ne les ai pas. Dubourg. Mais si, tu tiens Dorothy. Tu n'as pas besoin de coucher avec elle pour ça, Alain. Je ne la tiens pas. Et c'est parce que j'ai mal couché avec elle, Dubourg. Elle te fuit parce que tu bois, c'est tout, Alain. Mais je bois parce que je fais mal l'amour. Ce cri fait sursauter un vieux couple qui se promène au soleil. Dubourg lui montrait une fille très belle qui passait. Il s'est marié à un idiot depuis, du reste. Tu vois, on a envie de la toucher. Paris, c'est comme elle. La vie, c'est comme elle. Alain, tu m'énerves avec tes certitudes médiocres. Alors là, c'était le grand affrontement. Dubourg qui se jetait sur lui et qui le... Tu lui disais tout ça. Contente-toi de cette médiocrité. Tu retrouveras peut-être ta fantaisie que tu as tellement perdue ces temps-ci. Tu es lâche, tu refuses les certitudes parce qu'elles te font peur. Tu fais l'apologie de l'ombre parce que le soleil te blesse les yeux. Alain, tu es mon ami. Si tu es mon ami, tu m'aimes comme je suis, pas autrement. Laisse-moi te regarder. Je voulais que tu m'aides à mourir. C'est tout. Et puis voilà, c'est évidemment le climax de la scène, comme on dit. Et cette scène, vous l'avez tournée volontairement en extérieur pendant qu'il marche dans la rue, pour éviter... Je sais pas pourquoi, non, je crois que c'est dans le livre, en fait, et qu'il se promène. Oui, il se promène. Il se promène, oui. Là, j'ai respecté le livre, tout à fait. C'est une... Oui. Très difficile à tourner, très embêtant. Pensez bien dans ce quartier là, le quartier du Luxembourg, au milieu de la cohue des gens. Et... Je veux dire que le Paris de Drieux et le Paris de maintenant, il y a quelques voitures en plus. C'était un peu décalé, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'un peu absurde dans cette promenade de deux personnes qui débattent des choses si sérieuses. Quand on se promène dans Paris, aujourd'hui, on ne s'entend pas. Alors, de toute façon, on ne peut pas parler. Oui, ça se ramène à des souvenirs qu'on a de promenades et d'autrefois. Oui. On ne les fait plus, ces promenades. Mais je veux dire, il y avait vraiment certaines images sur certaines rues. C'était impensable qu'ils aient cette conversation-là. C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose peut-être d'un peu plus dramatique, en ce sens qu'au lieu qu'ils s'entendent, il y avait l'impression que le monde extérieur était encore là pour les séparer. Enfin, le dialogue était encore plus impossible par le fait qu'aujourd'hui, le dialogue n'est plus possible. Peut-être, oui. Alors ensuite, il finissait par quitter Dubourg sur un malentendu complet. Mais Dubourg, il l'avait mouché complètement en lui disant « Qu'est-ce qu'on peut dire de plus terrible à quelqu'un que je voulais que tu m'aides à mourir, c'est tout. » Alors il va voir son amie Eva, qui est une droguée, qui est une femme, je sais pas, comme on l'a tous connu, enfin une femme épatante qui a fait toutes sortes de choses et qui, je sais pas, qui elle est restée fidèle. C'est, de tous ces personnages-là, c'est la seule qui soit vraiment sympathique, c'est la seule qui n'est pas vraiment changée et qui au contraire se plaint de ce que tout change. Je veux dire, c'est vraiment une sœur. C'est une sœur pour Alain. Il va la chercher à sa galerie de peinture. Il la ramène chez elle, où il retrouve tout un monde de drogués, comme ça, très, très théâtral, très 1930. Ça, j'ai pas touché à ça. C'est la partie du film qui fait vraiment époque, enfin, qui... Si j'avais voulu traiter réalistement les drogués d'aujourd'hui, je m'y serais pas pris comme ça, mais... Je crois que... Je veux dire, si j'avais voulu... Si cette scène-là, si je l'avais transposée à notre époque, il n'y avait plus de scène. Enfin, la scène était complètement différente et elle changeait tout à fait. Alors là, j'ai fait une entorse, et c'est comme si je faisais un saut de 30 ans en arrière d'un seul coup. C'est ce qui fait que la scène est assez bizarre. Il faut bien le dire. Elle est étrange. Et Eva, c'était Jeanne Moreau. Eva, c'était Jeanne Moreau. C'était pas du tout prémédité, c'est parce que il fallait quelqu'un de... Vous savez, elle avait exactement, je crois, 5 minutes. Il fallait quelqu'un qui, je sais pas... qui creuse l'écart, pour utiliser une comparaison sportive, qui fasse tout de suite une grosse différence. C'est-à-dire que tout de suite, il fallait qu'elle soit très impressionnante, très frappante. Et après avoir pensé à toutes sortes d'actrices, j'ai téléphoné à Jeanne. Et elle l'a fait très gentiment. Et c'était bien, ça c'est bien. C'était une des choses bien du film. Alors, elle parle des autres. C'est assez joli, ça. Il marche, là aussi, et il rentre chez elle. Et elle dit ça, là, qui est joli. Oui, nos amis sont extraordinaires. Ils s'imaginent que le temps les change. Alors, ils s'agitent, bêtement. Ils font n'importe quoi, des enfants, des affaires, des bouquins. Ou bien ils se tuent. Ou ils deviennent mystiques, comme Dubourg. Alain, la fête est finie. Eva. Ils parlent de sincérité, les salauds, ils se jettent dans leur basse besogne. Voilà, ça c'était très important. C'était une phrase que j'aime beaucoup, ça. Ils parlent de sincérité, les salauds, ils se jettent dans leur basse besogne. C'est une phrase qu'on pourrait appliquer à beaucoup de gens qu'on connaît. Y compris nous, peut-être. Alors, il y avait une belle scène aussi. C'était ça. Mais on l'a refaite, ça, dis donc. Et j'ai l'impression que vous avez plusieurs versions. Hein, là. Non, y a, ça, je l'ai refaite, cette scène-là, ouais. Pendant le tournage, oui. Alors, il y avait tout d'un coup une ouverture, c'est qu'il marchait, et puis Alain lui pose une question, et il lui parle d'une amie à elle, enfin, d'une amie d'autrefois. Et ça, c'est bien, je trouve. Et Carla, où est-elle, Eva? Elle s'est tuée l'année dernière en voiture avec un imbécile. Alain, c'est absurde. Eva, oui. Alain, rien ne change. Eva, si tu veux, tu peux rester ici. Alain, merci, je pars. Je suis venu te dire au revoir. Eva, toi aussi? Et puis, il rentre dans la pièce, il y a cette scène de drogué. Ils finissaient par les insulter, ces drogués, infiniment complaisants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leurs vices. Et sur le thème, ça c'est bien. Oui. Mais où se trouve la mort? Où se trouve la folie dans tout ça? La drogue, c'est encore la vie. C'est embêtant. Comme la vie. Alors décidément, vous croyez que vous courez un risque. Mais quel risque? Vous avez trouvé un joli petit système pour vous tranquilliser l'esprit. Il y a des drogués qui vivent jusqu'à 70 ans. Tout ce que vous risquez, c'est de vous abrutir. Oui, et alors, il y avait une chose très jolie, c'est que... Il y a une chose bien. C'est, Alain s'en va, furieux. Il reste Eva avec ses amis, là, ses opiomanes. Il faudrait peut-être le lire. En fait. Et Ursel, enfin, le l'opiomane agressif, celui, l'artiste, enfin, l'espèce de... Moi, je suis certain que Drieu pensait à Cocteau, il n'y a aucun doute. Enfin, Ursel, c'est Cocteau, là, sûrement. Méchant, mais... C'est méchant, mais c'est Cocteau. Quel mufle! Il est devenu impossible. Au fond, c'est un raté et un envieux. Eva, ne dites pas de bêtises. C'est un très gentil garçon. Et il est très malheureux. Je n'aurais pas dû le laisser partir. Ursel, n'ayez crainte. Il est très malheureux, mais il ne se tuera pas. Eva, qu'est-ce que vous en savez? Et puis d'abord, tais-toi. Bon, alors là-dessus vient l'épisode qu'on m'a beaucoup reproché des deux frères de l'Ouest. qui est une chose, quand je repense au film maintenant, j'ai du mal à bien me l'expliquer. Ça m'a paru important, je sais pas, dans le contexte de l'époque, qu'il ait affaire à certains de ses amis qui aient choisi de s'engager dans une action, et dans une action politique. Et à ce moment-là, enfin, pour les gens de droite, en tout cas, c'était l'OAS. Il essaye de joindre ces deux garçons, et finalement, il les trouve à la terrasse d'un café de Saint-Germain-des-Prés. Et les deux garçons lui expliquent qu'ils sont engagés dans une action qui est essentielle pour eux. Je sais pas, il se moque de lui un peu. Et en même temps, il lui explique que quand tout ça sera fini, quand on aura gagné, on viendra à Paris, on s'amusera avec toi. Assez méprisant et assez chaleureux aussi. Dans mon esprit, il devait être assez sympathique. Ça n'a pas été tout à fait le cas, pour des raisons un petit peu indépendantes de ma volonté. Cette allusion justifiée par le fait que Drieu multiplie toujours les allusions politiques dans ses romans. Enfin, il y a donc. C'est aussi que Alain se trouve en face de toutes les solutions possibles pour y échapper. Oui. Et Alain, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, il récuse lorsqu'il parle d'engagement politique, de sens de l'histoire et tout ça. Alain les trouve un peu stupides, un peu. Cela dit, il a quand même été en Algérie, Alain, c'est un type qui a été officier, qui aurait pu tourner comme eux, en fait, s'il avait été disponible pour ça et si ça l'avait intéressé. Mais il est d'une part certainement intelligent et lucide, donc sans doute à l'écart de ce genre de tentation. Et en même temps, peut-être pas, il n'a pas assez prise sur la vie. Ça suppose une prise sur la vie, une certaine façon de toucher les choses qui n'est pas pour lui, enfin, qui de certaine façon il se serait même jeté dans l'action, ça n'aurait pas marché, il n'y a aucun doute. Après que les frères Mainville soient partis, toujours moqueurs, décontractés, finalement des gens très à l'aise, enfin très simples, il se retrouve seul, il voit défiler tous ces gens, ce bruit, ces voitures, tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il recommence à boire. C'est la fin de la journée, il est fatigué, il est très nerveux, et il commande un verre, et il boit son premier verre. Je crois qu'on pourrait dire entièrement, d'ailleurs. Et il est malade. Oui. Et ça, évidemment, c'était très important. C'est très important dans le film. Alain regarde partir les frères Mainville. Il commande un verre et le boit. À nouveau une grande fatigue. Visage crispé comme un rictus. Il rouvre les yeux, regarde devant lui. Alain est malade, malaise, vertige. Déjà avec les mains vides, ça n'allait pas très bien. Maintenant il flotte. Latence, hallucination, absurdité du monde extérieur, impression d'être guetté. Un vieil homme assis à l'écart jette des yeux furtifs autour de lui. Croyant que personne ne le regarde, il attrape prestement un paquet de paille posé sur la table devant lui et le glisse dans un cabas. Quand il relève les yeux, son regard rencontre celui d'Alain. Il voit qu'il a été vu. Il fixe Alain avec une sorte de désespoir dans les yeux. Alain détourne la tête. Près de lui, une femme seule, sans caractéristiques particulières, le regarde à la dérobée. Le garçon s'approche. Lui aussi guette Alain, de plus en plus mal à l'aise. Le garçon, vous désirez autre chose ? Alain fait non de la tête, il se lève comme chassé de cette grande table où il est seul maintenant. Il entre dans la salle intérieure. Quelqu'un l'accroche par le bras, encore un garçon de son âge mis avec prétention, l'air content de lui. Gérard, tu n'es plus là-bas ? Je te croyais là-bas. Alain, non, je ne suis plus là-bas. Alain arrive au sous-sol, laideur, étroitesse, faux moderne. Il passe devant la cabine téléphonique minuscule, porte ouverte. Un homme et une femme se tordent de rire, s'arrachant l'écouteur. Au lavabo, Alain s'appuie un instant, tête baissée, comme s'il allait vomir. Puis il se redresse, se regarde, arrange machinalement sa cravate, se lave les mains, très vite, dans des gestes automatiques. Dans la glace, il voit s'avancer derrière lui un garçon d'une vingtaine d'années, très équivoque, qui le fixe. Alain se retourne, cherche la serviette, ne trouve que l'essuie-main automatique. L'inconnu prend la place d'Alain devant le lavabo, sans cesser de le regarder. Il met ensuite ses mains à côté des siennes sous le jet d'air brûlant. Pas un mot n'est prononcé. Seuls les rires des gens au téléphone. Alain passe dans l'escalier étroit. Alain, quelle ignominie que tout ça. Comme la vie sait nous humilier. Et il retrouve un de ses anciens amis du temps de la fête aussi, qui est un gentleman de couleur, qui est un de nos meilleurs amis, qui jouait le rôle. Enfin, c'est tout à fait hors situation, je dirais. Et qui lui explique tout ça, qui explique aux gens qui l'entourent dans ce café comme Alain était merveilleux, comme il était brillant, comme il était drôle, comme il avait des idées, comme on s'amusait avec lui, comme il avait de l'invention, comme il faisait passer la vie comme ça très vite, très, très amusant. Et puis on le retrouve, Alain, sinistre, sous la pluie, malade. Il vient de boire, donc il est malade. C'est toujours comme ça quand on raccroche là, après une désintoxication, c'est connu. Et il échoue finalement en place des Vosges chez son ami Lavaux, où il va passer la soirée, où il a été invité à dîner. Alors, Alain sort du taxi, pluie battante. Il ne court pas s'abriter, au contraire. Il a besoin de cette eau qui coule sur son visage. Il tend son front vers elle. Façade d'un petit hôtel particulier. J'avais marqué à Neuilly, mais c'était place des Vosges. Alain regarde, hésite, s'avance. On se trouve à l'intérieur de la maison des Lavaux. On annonce Monsieur Leroy, Alain. Et grande surprise, évidemment, de Cyril Lavaux et de Solange Lavaux, qui, voyant qu'il est malade, l'entraînent dans leur chambre à coucher et le couchent. Il se couche et il dort. Et il dort de telle façon que, quand il se réveille, le dîner est déjà entamé. Et il rejoint les invités pendant le cours du dîner. Il faut arriver à la scène du dîner, qui oui. est une scène importante, dans laquelle il y a un personnage curieux qui m'a joué des tours aussi, parce que de la part de Drieux, c'était une allusion également très très directe, c'était Malraux. Oui. Personnage de Brancion, c'était Malraux. Il se moque un peu de lui et en même temps... c'est un homme fort, c'est un homme sûr de lui, c'est un homme qui réinvente des royaumes, qui, je sais pas, qui fait des choses, qui est très actif, qui dit des choses, qui a des opinions, qui a des goûts, qui est un homme épatant. Et on imagine bien que les rapports de Drieux avec Malraux étaient bien les rapports de cet Alain Leroy, enfin du Feu Follet, avec ce personnage de Brancion. Et c'est à lui que Alain va s'affronter au cours de ce dîner. Ça va être sa pierre de touche. Enfin, ça va être vraiment ce qui représente pour lui être assimilé au monde, enfin, faire partie du monde. Ce Brancion est un personnage qui, à la fois, c'est très important, c'est qu'à la fois, il méprise et qu'il envie, si vous voulez. Alors, on arrive après le dîner à la scène, justement, il attaque Brancion. Il vient, enfin, au milieu du salon, il s'approche de lui. Brancion est en train de parler au maître de maison, à Cyril Lavaux. Et Alain l'attaque. Il a bu pendant le dîner, il a recommencé. Enfin, ça y est, il est dans un état d'ivresse. J'admire ce que vous faites, parce que vous n'y croyez pas. Brancion hausse les épaules, sourire dédaigneux. Alain s'acharne. Je tiens à vous dire, monsieur. Je tiens à vous dire que pas plus que vous, je ne trouve drôle de se coucher sur une tombe quand il est si facile de l'ouvrir et de se coucher dedans. Ça, c'est une allusion à une histoire qui a été racontée pendant le dîner du personnage brillant d'Alain d'autrefois qui un jour s'est endormi à côté de la flamme du soldat inconnu de l'Arc de Triomphe en croyant qu'il était dans sa chambre près de sa veilleuse C'est une histoire qui est joliment racontée par le maître de maison, par Lavaux. Brancien, je vous demande pardon, mais je ne m'enivre jamais et j'ai un parti pris contre les histoires d'ivrogne. Cyril, le maître de maison, esquisse un geste à l'intention de Brancion. Ça veut dire « tu calmes ». Alain relève la tête avec les mêmes yeux fixes posés sur Brancion. À partir de ce moment, il va jouer de son ivresse comme un comédien, comme un clown. Il provoque, il en fait trop, il est ridicule, pathétique aussi. Oui, j'avais mis un vrai petit Hamlet. Je m'oublie parfois. Moi, je suis un pauvre ivrogne. L'alcool, c'est bête. Nous, les ivrognes, nous sommes les parents pauvres et nous le savons. En tout cas, nous effaçons très vite. Scène très gênante. Alain fait de grands mouvements de bras, trébuche, se rattrape à une chaise, heurtant au passage Brancion, qui fixe ostensiblement un tableau au mur. Cyril s'avance pour soutenir son ami. Il est ennuyé, bien sûr. Alain, tu es parti. Alain lui sourit. Non, je ne suis pas parti. Mais je vais partir. Je vais partir, je suis en retard. Un très léger filet de sang coule de ses lèvres. Il sort sa pochette et s'essuie. Il se tourne à nouveau vers Brancion et tout en parlant s'approche de lui, à le toucher. La scène devient intolérable. Figurez-vous que je suis un homme. Bien, je n'ai jamais pu avoir d'argent, ni de femme. Pourtant, je suis très actif. Mais voilà. Je ne peux pas avancer les mains. Je ne peux pas toucher les choses. D'ailleurs, quand je touche les choses, je ne sens rien. Alain avance sa main comme pour tenter de toucher Brancion, la présence charnelle de Brancion. Celui-ci, impassible, soutient l'humble regard d'Alain. Alain se met à arpenter la pièce. Son débit est de plus en plus rapide, de plus en plus saccadé. Il titube. On s'attend à ce qu'il tombe. Mais vous ne savez pas ce que c'est. De pouvoir mettre la main sur rien. Je ne peux pas vouloir. Je ne peux même pas désirer. Toutes les femmes qui sont ici, par exemple, eh bien, je ne peux pas les désirer. Elles me font peur. Peur! Solange, par exemple, Solange. Eh bien, si je restais seul 5 minutes avec elle, je me ferais rat. Je disparaîtrais dans le mur. À ce moment, il se heurte presque à Solange, qui est entrée dans la pièce juste à temps pour entendre la dernière phrase. Elle intervient aussitôt avec autorité. Elle prend Alain à part et lui parle à voix basse. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Alain? Vous êtes un peu gris et bien triste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Solange entraîne Alain jusqu'à un canapé de cuir et le force à s'asseoir à côté d'elle. Tout le monde en profite pour s'esquiver. Alain regarde Solange qui a posé les mains sur ses épaules dans un geste très tendre. Il murmure. Solange, Solange, tu es la vie. Écoute la vie. Je ne peux pas te toucher. C'est atroce. Tu es là devant moi et... pas moyen. Pas moyen. Alain a pris dans ses doigts les minces poignées de Solange. Il est pathétique, presque convulsif. Solange, prise d'une frayeur instinctive, se dégage un peu, recule. Alain lutte. Sa voix est de plus en plus sourde. Alors je vais essayer avec la mort. Je crois qu'elle se laissera mieux faire. Solange se lève. L'intensité de la situation la dépasse un peu. Elle ne sait pas comment y faire face. Elle se tient debout devant Alain qui lui reprend les mains, son visage tendu vers elle, avec un sourire triste. C'est drôle, la vie. Tu es jolie, tu es bonne, tu aimes l'amour, et pourtant nous deux, rien à faire. Solange reprend son assurance. Elle fait signe à Cyril et à Brancion, qui inquiet s'était approché, de s'éloigner. Solange reprend son assurance. Elle s'assied sur le rebord du divan tout près d'Alain et lui caresse les cheveux doucement. Jusqu'à la fin de la scène, elle va le traiter comme un enfant qu'il faut consoler. Alain murmure comme pour lui-même. S'en aller sans avoir rien touché. Beauté, bonté, tous les leurs mensonges. Enfin, toi, tu sais les miracles. Touche le lépreux. Alain a relevé la tête. Il l'implore du regard. Solange sourit. C'est une question de moment, Alain, entre un homme et une femme. Et toutes vos belles, Dorothy, Lydia, toutes les autres, elles sont ravissantes, elles vous adorent. Alain a un grand geste du bras. Pas assez belles, pas assez bonnes. Elles sont parties. Solange. Non, elles vous attendent. Elles aiment autant que moi l'amour, la chose bien faite. Alain. Ah, voilà, c'est ça. La chose bien faite. Sur cette phrase, Alain se dégage, se lève, s'avance vers Cyril. Il semble plus calme. Je m'en vais. Il faut que je m'en aille quelque part. Cyril, reste avec nous. Il faut que tu me parles. Alain, je reviendrai. Maintenant, il faut absolument que je parte, sans rien dire. Assez d'humiliation. Alors, Alain descend l'escalier. Il a une dernière vision de Cyril qui se penche vers lui par-dessus la rampe. À ce moment, Solange, sans doute prise de remords, rejoint son mari. Solange. Au revoir, Alain. Nous vous aimons bien. Alain. Adieu, Solange. Adieu, Cyril. Cyril. N'oublie pas, Alain. Demain, déjeuner. Alors, donc, il se retrouve dans un autobus avec Milou. Un personnage dont on n'a pas parlé encore, qui s'appelle Milou, qui est un personnage qui occupe sa chambre à l'hôtel du Quai Voltaire et qui est en quelque sorte un jeune Alain, c'est-à-dire il est tel qu'il était dans son époque de fête. Il commence à discuter, puis sur les Champs-Élysées la nuit. Une indication de tournage. Je mettais note, à partir d'ici jusqu'à la femme enfant, c'est un mouvement lent à travers la nuit comme un délire mou. Personnage en marche, lumière, visage et mots qui défilent. Alors, ce qui est intéressant, je crois, maintenant, c'est de lire la scène avec Milou, qui essaye de le regonfler à sa façon, qui est très naïf. Alain est assis sur un banc, au milieu des voitures, des lumières, de la foule. C'est la sortie des cinémas. En face de lui, Milou est assis sur l'aile d'une jaguareuse, scintillante de pluie, longue forme parfaite. Milou, appelle ça comme tu voudras, mais tu plais. Alain. Je suis maladroit, je suis lourd. J'avais de la délicatesse dans le cœur, mais pas dans les mains. Milou, mais qu'est-ce que tu aurais voulu faire ? Alain, j'aurais voulu captiver les gens, les retenir, les attacher, que rien ne bouge plus autour de moi. Mais tout a toujours foutu le camp. Milou, quoi, tu aimes tant les gens que ça ? Alain, j'aurais tant voulu être aimé qu'il me semble que j'aime. Milou, oui, je te comprends, je suis comme ça. Alain, il faut donner aux gens l'impression qu'on a envie de les prendre. Et quand on les a pris, qu'on les tient. Tu es sensible, Milou, mais tu n'as pas envie de les prendre. Moi, je n'aime pas les gens, je n'ai jamais pu les aimer. Je ne peux pas toucher, je ne peux pas prendre. Au fond, ça vient du cœur. Milou, il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça vous donne envie de... Milou est un peu effrayé de ce qu'il allait dire. Alain lui sourit. Il veut le rassurer maintenant. Quand on a vraiment le goût des gens, ils sont très gentils. Ils vous donnent tout. L'amour, l'argent. Milou, tu crois ? Milou dit ça avec une sorte d'enfantine concupiscence. Ensuite, il se réveille le lendemain matin. On le retrouve sur son lit à la clinique, couché sur le ventre, tout habillé. Il dort pesamment. Sur la table de nuit, une bouteille de Pernod à moitié vide, ramassée, on ne sait où. Il se réveille, regarde l'heure, se lève, boit un grand verre d'eau. Il buvait à la bouteille. Il fait déjà grand jour. Alain, dessoulé, est maintenant décidé. En une succession de courtes scènes, nous allons le voir se déshabiller, ranger soigneusement ses affaires. J'ai ajouté une scène au tournage où la petite bonne de la clinique frappe à la porte. Elle lui demande s'il veut son petit déjeuner. Il dit que non. Il dit qu'il ne veut pas être dérangé jusqu'à midi, jusqu'au déjeuner. Elle s'en va, il la rappelle et il lui donne de l'argent, plein d'argent. Elle a un regard surpris et elle referme la porte. Et c'était bien, c'est une bonne scène. À partir de ce moment-là, il ferme la... Il ferme la porte à clé, il ferme le verrou. Alors ensuite, on le voit se déshabiller, ranger soigneusement ses affaires, mettre un pyjama blanc. Bon, là, j'avais simplifié, c'est-à-dire j'avais fait un enchaîné, je crois. On le retrouvait en pyjama, non ? Oui. Il vient au lavabo, se regarde, se recoiffe. Dans le film, il se rase. Va à la table, met en ordre ses papiers, range le reste de son argent, qu'il enfermait à clé dans sa petite valise. Sort le revolver, le vérifie, le pose sur la table de nuit. Finit ses valises. Ce qui est très important dans le film, c'est qu'il est très méticuleux. Il termine ses valises, il veut laisser les choses en ordre, c'est très important. Comme Rigaud l'a fait. Comme Rigaud, oui. Plus tard, il est couché, bien calé, la nuque à la pile d'oreiller, il lit les dernières pages d'un roman policier. Dans le film, c'était Tendre et la nuit. C'est Tendre et la nuit. Le téléphone sonne, Alain décroche. Solange, c'est vous, Alain ? Je ne vous réveille pas. Alain, Solange... Oui, mon petit Alain, je vous téléphone pour vous rappeler notre déjeuner. Nous vous attendons. Sans faute. Ne venez pas trop tard. Bavarderez avec moi. Comment ça va ce matin ? Pas mal, pas mal. Solange, pas mal. Vous dites ça d'un ton. Mais vous venez, hein ? Alain, mais oui. C'est gentil. Solange, je vous aime beaucoup. Alain, vous m'aimez beaucoup. Et Brancion ? Solange. Oh, Brancion, c'est autre chose, c'est le contraire de vous, c'est une force de la nature. Alain. Vous aimez les forces de la nature. Solange. Je les aime, j'aime tout. Alain. Je ne suis pas une force de la nature. Solange. Vous avez du cœur. Alain. Je ne comprends rien à tout ça. Au revoir, Solange. Alain raccroche, posément. Son visage est immobile, sans expression, parfaitement calme. Il prend le revolver avec ses deux mains, le soupèse, le tourne dans tous les sens, puis le charge. En pointe le canon contre sa poitrine, à l'emplacement du cœur. Alors, une chose intéressante, il y a dans le scénario une succession rapide. Mon idée, c'était qu'on voit au même instant, à l'instant même où Alain se tue, ce que font les autres personnages du film. Milou devant une table de roulette, Brancion dansant avec une dame, Cyril et Solange dans leur grand lit, dormant, c'est un couple très, très heureux. Enfin, Dubourg dans son cabinet, il marche de long en large, il est un peu ridicule. Dorothy, sa femme, dans un bar à New York, en train de boire, sur son épaule une main d'homme. Et puis on revient au visage d'Alain. Je l'ai supprimé, ça. Je n'ai même pas tout tourné. J'ai commencé à le tourner, ça m'a paru impossible. Il y avait une espèce de nécessité interne dans ce film qui faisait que on était tellement sur le personnage d'Alain que surtout à ce moment-là, le quitter, c'était criminel. Alors autrement dit, tout ça a disparu. On passe sur le visage d'Alain. Un coup de feu. Un tressaillement. Et puis l'immobilité. Un regard fixe et doux, une bouche enfin détendue. Il y avait, vient en, sur ce visage, ce visage fixe et enfin détendu, vient le texte de Drieux. Je me tue parce que vous ne m'avez pas aimé, parce que je ne vous ai pas aimé. Je me tue parce que nos rapports furent lâches, pour resserrer nos rapports. Je laisserai sur vous une tache indélébile. C'était Histoire sans images, une émission de Michel Polak. Aujourd'hui, Feu Follet, un film de Louis Malle, raconté par Louis Malle et Maurice René. Thank you.